Dunsinane, après Macbeth, de David Gregg, traduit de l'anglais par Pascal Drouet. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton. Nous sommes montés à bord de nos navires à l'embouchure de la Tamise. Nous étions 2000 soldats anglais. Et avec nous, des chevaux destinés à être montés par les chevaliers et des animaux destinés à être abattus par nos soins, chemin faisant. Nous étions sur les rivages du comté d'Essex, un enchevêtrement de galets. Certains d'entre nous, nouveaux et impatients de livrer bataille, d'autres plus incertains. Mais tous autant que nous étions, sachant et ne sachant pas à la fois ce qui nous attendait. L'Écosse. L'Écosse, où nous allions installer un roi sur le trône. Jamais je n'étais monté à bord d'un bateau. Pas d'un tel bateau. Pas à bord d'un tel bateau. Sur une telle mer, avec une houle qui grossit tout autour de nous, avec des vagues qui se fracassent puis se retirent tout autour de nous. Une journée, et une nuit, et une journée encore à avoir le mal de mer, et pas un seul instant sans avoir peur. Mais sans être excité aussi. Dans la coque, avec mes compagnons, à couvrir le vacarme de la mer de nos histoires. Et l'un ou deux d'entre eux connaissaient une chanson ou deux. Et un homme m'a montré comment me battre avec une cuillère en guise d'épée. Se moquant. Se moquant de moi, moi qui faisais l'andouille. Et tout ce temps que nous étions, sachant et ne sachant pas à la fois ce qui nous attendait. La guerre. Et que certains d'entre nous allaient y laisser leur vie. À la longue, notre flotte a rencontré les eaux plus paisibles du fleuve Forth, et nous avons accosté à un endroit du nom de Fife, qui est un endroit sauvage à comparer du Kent. Et c'est là que nous avons établi notre campement, dans une forêt près de l'abbaye d'Inchcolm. Là que nous avons attendu jusqu'à ce qu'ils viennent enfin nous trouver, Seward, notre général, et dire au sergent qu'il était temps de nous préparer à livrer bataille. Vous, sergent, transformez-vous en arbre. À vos ordres, sergent. Vous et vous, transformez-vous en sous-bois. À vos ordres, sergent. Allez, vous êtes censé former une forêt. Vous, imitez le chant d'un oiseau. Sergent ! Quoi ? Est-ce que ça va comme ça, sergent ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Allez, réfléchissez. Que faut-il pour faire une forêt ? Sergent ! Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des arbres ! Des arbres, certes, des arbres. Et hormis les arbres ? Je sais pas. Fermez les yeux. Imaginez une forêt. Vous vous y promenez ? Vous regardez autour de vous ? Qu'est-ce que vous voyez ? Le vent! Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voyez? Regardez bien! Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Oh, des blaireaux! Des blaireaux, certes. Et quoi d'autre? Rien, sergent. Parfaitement! Rien! Bien! Rien! Et à quoi rien ressemble-t-il? À rien. Non, rien ressemble à quelque chose à quoi? Oh, à l'obscurité! C'est ça, mon petit gars! La forêt est faite d'arbres. Et entre les arbres, l'obscurité. Ce n'est pas ce qui constitue la forêt qui trompe l'œil, mais le rien qui est entre. On va faire de vous une forêt par tous les moyens. Allez! Lord Seward approche, sergent. Soyez prêts. Lord Seward, lieutenant Macduff, Lord Osborne, puis-je vous présenter la forêt de Birnam? Regarde, Osborne. Une forêt d'ifs anglais dont chaque branche peut ployer et subir une torsion. Mais quand ces branches s'enchevêtrent en un fourré, c'est impénétrable. Une épée sectionne une branche et une autre branche surgit pour la remplacer. Tiens, prends mon épée. Si ces garçons sont en âge de combattre, alors tu l'es aussi. Demain, avant le lever du soleil, nous encerclerons le tyran. Il se frottera les yeux pour en chasser le sommeil et découvrira qu'il n'est pas au fond de son lit dans son château, mais en plein cœur de la forêt inhospitalière. Une flèche anglaise dirigée droit sur sa gorge. En avant pour Dunsinane. Dunsinane et la bataille pour s'en rendre maître. Allez, allez, allez, bougez-vous! Putain, il m'a entaillé la jambe. Il tirait d'ici. Il avait une sacrée vue plongeante sur la cour. Lui suffisait de choisir sa cible. Regardez-les. Ils doivent être une douzaine de morts en bas. Il en aurait tué plus s'il n'avait pas été à court de flèches. Il est à court de flèches? Là, regarde. Pourquoi s'est-il battu? Pourquoi ne s'est-il pas tout simplement rendu? Il savait qu'on le tuerait dans les deux cas. Il est petit, cet arc. J'en avais un comme ça quand j'étais môme. Il avait une bonne vue. Sécurisez le hall. Et maintenant, il y en a qui continuent à se battre. On a une autre part. Repos. Nom de Dieu. Qui c'est? Egam. Egam. Lord Egam, de... Egam. Il est mort? Il respire. Voyons voir. Il a pas l'air en forme. Sergent. Le petit gars. Sergent. C'est ma main. Elle me fait horriblement souffrir. Apportez-lui à boire. Et après, on lui arrachera la flèche de la main. Non. Sergent, il vaut mieux qu'on la retire. Et je veux le chirurgien. Et plus elle y reste, sergent, plus la douleur s'installe. J'attendrai le chirurgien. D'accord, sergent. Sauf que... il y a une petite centaine de gars en train de mourir sur le champ de bataille dehors. Avec des bras, des jambes et toutes sortes de choses sectionnées. Un certain temps peut s'écouler avant que le chirurgien arrive. Je suis fatigué. Je me sens fatigué au-delà des mots. Réveillez-moi quand le chirurgien arrivera. Oh. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Il est vraiment pâle. Laissons-le. Que se passe-t-il dehors? On dirait que ça touche à sa fin. Est-ce qu'on ne devrait pas les rejoindre pour leur prêter main forte? On en a fait assez. Assez? Regarde dehors, le champ est couvert de morts. Tout sera bientôt terminé. Inutile de mourir maintenant, le château est pris. Hé! Hey! Est-ce qu'on a gagné? On dirait que oui. Oh, on a gagné? Oh putain, on a gagné! La première bataille, waouh! Tu t'es bien battu. Ah, vraiment? Vraiment. Où est Seaward? Où est notre étendard? Il est là, dehors, sur la colline. Que fait-il? Il se bat. Mais on a gagné! Faut quand même se battre. Hé, hey, regardez ça! Vous avez vu? Remets ça où tu l'as pris. Quoi? Hé, hey, regardez, il y en a davantage là-dedans. Laisse ça! Pourquoi? Tout le trésor est rassemblé au même endroit et il est réparti une fois que la bataille est terminée. Je sais. Mais personne n'a besoin de le savoir. Non. C'est Egam qui t'inquiète. Il dort. J'ai dit non. Mais personne ne nous voit. Quand la bataille sera terminée, il y aura une répartition du trésor et on aura notre part. En attendant, estime-toi heureux. On est en vie. Profitons-en tant que c'est le cas. Pardon. J'aimerais bien qu'il arrête de faire ce bruit. C'est agaçant. Il a une flèche plantée dans la main. Pourrait être pire. Vraiment? Pourrait être mort. T'as été dans beaucoup de batailles, toi ? Quelques-unes. Et comment était celle-ci comparée aux autres batailles où tu étais ? Bien. Pourquoi était-elle bien ? J'ai pas été blessé. Ah oui, je comprends. C'était ma première bataille. As-tu été blessé ? Non. Bien. J'ai trouvé que tout s'était déroulé très vite. Il y a eu un moment, quand je traversais le pont, que je fendais l'air devant moi en avançant et que je regardais même pas. Je me contentais juste de... Et il y en avait deux ou trois qui reculaient devant nous, mais l'un d'entre eux s'est avancé, et je n'en ai même pas eu l'intention, mais j'ai abattu mon épée de toutes mes forces sur son épaule, et elle s'est enfoncée d'un coup. J'ai dû frapper ici, et l'épée a juste fait chhh, et lui a directement sectionné le bras. J'en avais même pas l'intention, mais son bras s'est tout simplement détaché, il a hurlé. Il ne porte que du cuir. Vraiment ? Que du cuir en guise d'armure. Seuls quelques-uns ont du métal. Et est-ce que le cuir est pire que le métal ? Ça dépend. De quoi ? Le cuir est pire que le métal si tu te bats contre un homme qui a un glaive. Et quand est-ce que c'est mieux ? Quand tu essayes de fuir à travers une forêt. Ah ouais. Repos ! Cette tour est-elle la dernière ? Oui, mon général. Le secteur est-il sécurisé ? Il est sécurisé, mon général. Qui est-ce ? Ekam ? Remuez-vous. Le travail n'est pas encore terminé. Il y a des seigneurs écossais qui s'enfuient dans la forêt. Debout ! Debout ! Qu'est-ce qu'il a ? Une flèche, mon général. Ma main ! Vous, apportez-moi de la bière. Seward, je suis blessé. Je vois ça. Je me sens si fatigué, si incroyablement fatigué. Ça va aller. Je disais justement au petit gars... De la bière, mon général. Tenez, buvez ça. Merci. C'est ça, buvez tout. Est-ce que le chirurgien va venir bientôt ? Bientôt, oui. Bien. Espèce de salaud ! La douleur est toujours moins forte que la plainte. Vous, débarrassez-moi de ce corps. Vous et vous, emmenez les gammes dans les cuisines et cautérisez la plaie. Trois petits restent ici. Garde un œil sur la cour. À vos ordres, mon général. Que vois-tu ? De la fumée. Beaucoup de fumée. Nous avons mis le feu à la forêt. Ça les a fait s'enfuir et courir vers les collines. Ils finiront par retrouver leur chemin jusqu'à leur foyer et leur ferme. Nous mettrons un nouveau roi sur le trône de Dunsinane. Puis l'été viendra, puis une moisson, et avant le printemps prochain, tout sera comme s'il n'y avait jamais eu d'affrontement à cet endroit. Tu seras étonné de voir avec quelle rapidité une bataille peut s'effacer. Écartez-vous, mon général ! Trop rapide, petit. Bravo pour tes bonnes intentions, mais que la guerre t'enseigne cette leçon. Identifie toujours le visage de ton lieutenant, même s'il est écossais. Macduff. Ça fait du bien de vous voir. Seward. Quelle nouvelle apportez-vous ? Le tyran est mort. Bien. Il était en fuite quand on l'a attrapé. Une lance dans le dos. Ils me l'ont apporté sur la colline qui domine la forêt. Il n'était plus en état de parler, mais j'ai fouillé son regard. Il y avait toujours une étincelle de vie. Ce fut un plaisir de l'éteindre. Je lui ai tranché la gorge. Sa tête est sur une pique dans la cour du château. C'est terminé. Oui. Y a-t-il autre chose ? Osborne. Votre fils. Il était avec les Cambrians. Il chevauchait à travers la forêt à la poursuite des fuyards. Osborne chevauchait en tête. Il était avec les leaders. Il traversait les bois. Comme il se rapprochait d'eux, l'un des seigneurs écossais a fait volte-face et lui a décoché une flèche. Ça a dû être une flèche du hasard. Comme ça, à travers les arbres. Décocher une flèche tout en courant. Le hasard. Osborne est mort ? Je suis désolé. À quel endroit est la blessure ? À la poitrine. Peut-il s'agir d'une erreur ? Non. Merci. Vous pouvez partir. Partez. Mon général, voulez-vous que je sorte aussi ? Non. Reste. se défend parce que tu la tiens. Libère-la. Elle m'a mordu. Femme, ton château est entre nos mains. Comprends-tu? Je suis Seward. Je suis l'Angleterre. Parles-tu anglais? Oui. Comment t'appelles-tu? Gloire. Gloire. Gloire. Quel travail fais-tu ici à Dunsinane? Travail? Quel est ton rang ici? Mon rang ici, c'est reine. Vous m'aviez dit qu'elle était morte. Pardon? Vous m'aviez dit qu'elle était devenue folle et en était morte. Oui, bon. Vous m'aviez dit que le tyran avait perdu le soutien des chefs, qu'il n'avait pas de fils, que sa reine était morte dans un accès de folie, que vous ne rencontreriez aucune résistance, mais qu'au contraire, nous étions susceptibles de voir votre autorité rapidement reconnue par la majorité, avec la possibilité de mettre en place un ordre nouveau, un ordre pacifique. C'est ce que vous aviez dit, Malcolm. Oui. Eh bien, elle n'est pas morte. À ce qu'il semble. Pas même malade. Non. Vous m'avez menti. Seward, il y a une... petite chose qu'il faut que je vous dise, si ça ne vous ennuie pas. Et je ne suis pas en train d'essayer d'éluder votre remarque dénuée de nuances, mais il y a un point essentiel que je dois clarifier avant que nous n'allions plus loin. En Écosse, il est tout à fait inacceptable de me traiter de menteur. Si, ici par exemple dans la grande salle, un homme devait me traiter de menteur, cela exigerait essentiellement une réponse violente. Un tel propos étant comme il se devrait une question d'honneur. Et donc, habituellement, nous gérons ce genre de choses en Écosse, non seulement en faisant attention à ne pas dire de mensonges, mais aussi en faisant très très attention à la façon dont nous entendons et comprenons les mots. Aussi, par exemple, si quelqu'un en Écosse dit « il semble qu'une personne soit morte », nous avons tendance à entendre ce mot « semble ».« Semble ». Et naturellement, ce mot fait la différence. N'est-ce pas exaspérant? C'est ridicule. Et naturellement, cela veut dire que chaque discussion est tendue, que les gens sont obligés de marcher sur des œufs, alors que de toute évidence, il s'agit simplement d'éviter les absurdités et de décrire les événements du monde réel tels qu'ils sont. Mais voilà, c'est ainsi que sont les choses. Et donc, avant que nous n'allions plus loin, je suppose que ce que je vous demande, Seward, c'est vraiment, et il s'agit simplement de clarifier, êtes-vous en train de me traiter de menteur? Non. Eh bien, c'est un soulagement. J'avais compris que la reine était morte. Il s'avère que cette compréhension était erronée. À ce qu'il semble. Naturellement, tout cela serait plus simple si elle était morte. Pardon? Eh bien, tant qu'elle sera en vie, elle ne pourra être qu'une pomme de discorde. Je croyais que vous aviez dit que les chefs attendaient simplement que vous arriviez et que vous vous installiez pour vous prêter allégeance et vous couronner. Seward, si ça ne vous ennuie pas que je vous le demande, allez-vous persévérer longtemps dans cette littéralité pesante? Vous aviez dit, il avait dit. On dirait un enfant. Je suis désolé. Il semble que ma compréhension de ce qui concerne la reine ait été erronée. Y a-t-il autre chose en Écosse au sujet de quoi ma compréhension ait pu être erronée? Je sais. C'est plutôt ridicule, n'est-ce pas? Je suis le roi de ce pays, et pourtant je ne le comprends pas. Allons par là, si ça vous fait rien. Oh, vous sentez? Il m'arrive parfois de penser qu'on pourrait naître dans ce pays, y vivre toute sa vie durant, l'étudier, le parcourir en long, en large et en travers, au gré de voyage. Et pourtant, si quelqu'un vous demandait de le décrire, tout ce qu'on serait capable de répondre, sans craindre la contradiction, serait... Il est fait froid. Allons par là. Y a-t-il autre chose concernant la situation actuelle en Écosse, au sujet de quoi ma compréhension ait pu être erronée? Une chose. Laquelle? Elle a un fils! Alors, Macduff, présentez-moi la situation. Bon. Il y a de nombreux clans, et de nombreuses familles, mais il y a deux camps qui sont au cœur de toute chose en Écosse. Les Alba, dans l'ouest, et les Moray, dans le nord. Malcolm est un Alba. Malcolm est un MacAlpine, c'est-à-dire la première lignée royale des Alba. Et le tyran était un Moray ? Non, la reine descend des Moray, le tyran descendait... des Meules. Des Meules ? Des Meules. Désolé, je suis perdu. Mais là, à cet endroit, les Meules sont pas nombreux et combattent habituellement aux côtés des Argyll, qui sont des Moray. Mais d'un point de vue historique, ils sont liés aux Alba par cousinage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le tyran venait de nulle part. Il tenait uniquement son pouvoir de la reine. La reine est l'aînée des princesses Moray. C'est à elle que les membres du clan prêtent allégeance, un petit cadeau par-ci, une offrande par-là. Oui. Et c'est ce pouvoir qui est sien qu'elle veut garder pour son fils. Le tyran était un usurpateur. Il n'était de nulle part. C'est par le crime qu'il s'est approprié le trône. De toute évidence, le fils d'un usurpateur ne peut se revendiquer d'aucune légitimité. Certes. Sauf que le fils du tyran n'est pas le fils du tyran. Pardon ? Le fils du tyran est celui du premier mari de la reine. Son père l'avait d'abord marié à un prince, Alba, dans le but d'unifier l'Écosse sous une seule couronne. Gruar a donné un fils à ce prince, l'héritier légitime. Mais c'est alors que le tyran est arrivé de Meule et a assassiné le père de l'enfant. Le tyran a épousé Gruar et est devenu roi. Il a adopté l'enfant, il est mignon, l'a considéré comme le sien. Cet enfant est l'héritier légitime. Malcolm est le nouveau roi. Il peut être ici à l'origine d'un royaume stable, basé sur la paix et le respect général de la loi. Et il finira par unir Moray, Alba, Meule, Angus et qui que ce soit, quel qu'il soit, où qu'il soit. Malcolm va instaurer une situation nouvelle où tout le monde travaillera de concert pour l'intérêt commun du royaume. Mettre tout en œuvre pour parvenir à une telle situation requerrait une armée très nombreuse et prendrait un temps infini. Avons-nous une alternative ? Tu es la reine ? Planter sa tête sur une pique dans la cour du château, en finir. La reine, accompagnée par ses femmes, suivait le corps sans tête du tyran. Un frêle cortège dont Malcolm, depuis les remparts, semblait se réjouir. Dans la cour du château, nous étions une poignée de soldats anglais à assister à cette veillée funèbre. Siward observait la scène, impassible. Tandis que Macduff et quelques Écossais entonnaient une oraison funèbre. An honest man, here lies a trace. As a god will, is a mage blessed. The friend of man, the friend of truth. The friend of age and guide of youth. Few hearts like his with virtue warm. Few heads with knowledge so informed. Few hearts like his. Another world he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. C'était un bon roi. Il a régné pendant 15 ans. Avant lui, il y avait eu des rois, puis d'autres rois et encore d'autres rois, mais aucun d'entre eux n'avait été capable de régner plus d'un an avant de se faire tuer par l'un des chefs. Mon roi, lui, a tenu 15 ans. Mon roi était fort. Votre roi a assassiné votre premier mari. Oui. Ça ne semble pas être pour vous un problème? C'est moi qui lui ai demandé de le faire. Faisait-il toujours ce que vous lui demandiez de faire? La plupart du temps. Où est votre fils? Je ne sais pas. Est-il caché ici? Non. Vous savez que je vais le chercher. Il s'est échappé. Il est là-bas, dans les collines, maintenant. Je ne sais pas où exactement. Est-il en vie? Oui. Comment le savez-vous? S'il était mort, on m'en aurait averti. Mais vous n'avez aucune preuve. Il est en vie. Grouard, je n'ai aucun différend avec vous. Je suis venu ici pour installer Malcolm sur le trône, afin de protéger la frontière nord de l'Angleterre. Ma mission est de mettre en place un nouveau royaume, pas de régler d'anciennes querelles. Il me faut donc maintenant faire table rase du passé. Il me faut maintenant désamorcer toutes les revendications du passé, les éradiquer, puis... En nous y prenant ainsi, nous avons une chance de pouvoir établir une paix équitable dans une Écosse où chaque clan pourra s'épanouir, y compris le vôtre. On ne bâtit pas de nouveaux gouvernements sur d'anciennes blessures. Qu'attendez-vous de moi? Je veux que vous renonciez à ce que votre fils prétende au trône. Mon fils ne prétend pas. Mon fils est le roi. Ce n'est pas un sujet à propos duquel il a le choix. Mon fils est mon fils. Mon fils est le fils de son père. Le père de mon fils est mort. Mon fils est le roi. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Si j'étais à votre place, je ne serais pas ici. Si j'étais à votre place, je serais chez moi, à veiller sur mon propre territoire, pas à me battre pour la terre de Malcolm. Un homme trop faible et trop corrompu pour tenir lui-même son propre pays. Il est dans l'intérêt de l'Angleterre d'être en paix avec l'Écosse. Nous étions en paix jusqu'à ce que vous arriviez. Rentrez chez vous. Ne gaspillez pas davantage de vie anglaise ici. Rentrez chez vous avant d'y être contraint. Grouard, je ne vous demande pas une faveur, je vous donne une chance. Votre fils erre sur ces collines comme un pauvre diable. Si vous juriez allégeance à Malcolm, il pourrait recevoir davantage de titres, davantage de terres. Il pourrait être en sécurité. Vous pourriez être en sécurité. L'Écosse pourrait être en paix. La lune aurait beau apparaître en plein jour, et nous aurions beau appeler le jour la nuit. Le soleil aurait beau apparaître en pleine nuit, et nous aurions beau appeler la nuit le jour, mon fils n'en serait pas moins roi. La période de deuil est-elle arrivée à terme? Oui. Bien. Mes hommes vont emporter le corps de votre mari à Iona. Ils l'enterreront là-bas. Notre tradition veut que je prenne le bateau avec lui pour être à ses côtés. Ce n'est pas possible. Je dois l'accompagner. Non. La période de deuil est arrivée à terme. Devant le château, nous avons transporté les corps de nos camarades morts au combat et les avons déposés à terre en formant des rangées. Voyons voir. Des chargements entiers. Le sang qui tapissait le champ de bataille fut bientôt recouvert. Ramenez un nouveau chargement. J'ai reconnu certains visages. Certains seulement. Général, lieutenant Macduff. Oui, Osborne. Là, mon général. On l'a mis là tout spécialement. Mon fils. J'aurais dû rester avec lui. Il est avec vous maintenant. Merci. Seward, Osborne est mort pour une cause juste, mais cette cause n'a pas encore triomphé. Laissez-moi régler la question de la reine du tyran. Malcolm ne peut pas le faire. Si Malcolm me la tuait, ce serait un acte qui appellerait nécessairement la vengeance. Laissez-moi m'en charger. Ensuite, nous nous occuperons du fils. Il se cache quelque part, tout près, dans les environs. Nous le trapperons bientôt. Et vous le tuerez aussi. Laissez-les se venger sur moi. Non. Trop de sang a déjà versé. Vous, soldat. Oui, mon général. Emportez mon fils. Enterrez-le avec les autres. Marquez l'emplacement d'une pierre, que je puisse le retrouver plus tard. À vos ordres, mon général. Morem, Alba, rien de tout ce foutoir n'a d'importance, Macduff. Ce qui importe maintenant, c'est le sens. Ce qui importe maintenant, c'est la justice. Est-elle morte ? Non. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle serait morte ? Je pensais simplement qu'elle aurait pu tomber malade. Elle se porte bien. Bien. Elle est sous ma protection. Qu'avez-vous l'intention de faire d'elle ? Je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. J'ai l'intention de vous laisser en décider. Est-ce bien raisonnable ? Quand je dis vous, je veux dire l'Écosse. Vous êtes l'Écosse. Macduff et moi allons rendre visite à tous les chefs de clan du pays. Nous irons les trouver un par un pour les écouter. Nous chercherons à savoir ce qu'ils veulent. Puis, quand nous l'aurons compris, nous les inviterons ici pour parler. Parler ? Nous les inviterons à participer à un parlement. Ici, à Dunsinane. Nous trouverons un consensus. Que l'Écosse décide du sort de sa reine. Alors, et seulement alors, nous vous couronnerons. Sans contestation. Et gomme ! Oui, mon général. Trouvez des cantonnements pour les hommes. Faites un inventaire du trésor du château. Trouvez le bétail. Faites de Dunsinane une place forte. Et dites aux hommes que nous resterons en Écosse un peu plus longtemps que prévu. Tout au long de l'été, du moins ce qu'en Écosse ils appellent été, Siward nous a fait parcourir tout le pays, du moins ce qu'ils appellent pays, de maison en maison pour partager un repas, du moins ce qu'ils appellent repas, avec les chefs de chacun des clans. Il nous fallait marcher des jours et des jours pour nous rendre d'un clan à l'autre, et partout, nous étions accueillis par des regards hostiles. Et nous répondions par un sourire. Tu sais, pour les enfants, nous leur présentions nos mains pleines de noix, de noisettes ou d'autres choses. Mais systématiquement, les enfants se détournaient de nos mains offertes. Et systématiquement, un enfant allait se réfugier dans les jupes d'une femme et cette femme nous lançait alors un regard incendiaire. De toute façon, ici, on a forcément envie de quelque chose d'incendiaire parce que... Mère, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais il fait froid. En Écosse. On ne sait pas ce que c'est que d'avoir froid tant qu'on n'a pas senti le froid de l'air d'ici. Le froid des lits. Le froid des nuits. Et c'est pour ça qu'on a forcément envie d'un regard incendiaire ou de n'importe quoi d'incendiaire, juste pour se réchauffer pendant ces marches interminables, quand on imagine que dans le tout prochain village, il y aura sûrement un feu, un âtre auprès duquel se blottir. Mais non. À chaque fois, ce n'est que l'air froid et humide. Et le regard des femmes. Et nous avons commencé à nous demander dans quelle sorte de pays nous étions tombés. Tout ce qui était la norme en Angleterre. L'été. La terre. La bière. Une maison. Un lit, par exemple. En Écosse. Tout ça se révèle n'être fait que d'eau. C'est ce qu'on apprend ici. Rien n'est solide. On regarde le sol devant soi, on fait une estimation, on fait un saut, et tout à coup on se retrouve dans la bourbe jusqu'à la taille. On pense que le sol de cette forêt peut supporter le poids d'un homme, on pense qu'un peu plus loin il y a un lac, mais l'un n'est que boue et l'autre n'est que roche, et où que l'on marche on se fait mal. C'est ce que tu peux dire, mère, à tous les gars que tu croises. Si jamais ils te disent qu'ils sont envoyés au nord pour nous rejoindre, dis-leur bien ceci. Dis-leur, mon fils dit qu'en Écosse, il faut toujours faire attention où l'on met les pieds. Petit. Oui ? Je déteste ce pays. Ah. Un service d'assiette en bois. Un service d'assiette en bois. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que des gens vivent à ce point reculé au nord, tu sais. Une tapisserie représentant un lieu boisé. Une tapisserie représentant un lieu boisé. Je sais que nous ne sommes pas censés essayer d'extrapoler les intentions de Dieu, mais un simple regard suffit. Si Dieu avait voulu que des gens vivent à ce point reculés au nord, il nous aurait fait avec de la fourrure. 4 tonneaux de... Oh ! D'un type de bière. 4 tonneaux de bière. Naturellement, les Écossais sont velus. Une Bible. Une Bible. Mais ça ne suffit pas à l'expliquer. Ils doivent emmagasiner une autre sorte de chaleur dans leur corps. 4 coupes en argent. 4 coupes en argent. La rancune. Voilà. C'est ça. Un assortiment de tasson aulne. Un assortiment de tasson aulne. C'est leur rancune qui leur tient chaud. Alors qu'il fait si froid que mes couilles ont rétréci et sont toutes remontées, c'est l'antipathie qu'ils ont pour nous qui tient chaud à ces salauds. C'est ça qui rend dingue! Ils me détestent. Et nous, tout ce que nous faisons, c'est d'apporter plus de confort à ces salopards de traîtres velus et ingrats. Cette couverture qui sent le chien. Cette couverture qui sent le chien. Je suis même pas censé être ici, tu sais. Je suis censé être moine et consacrer ma vie à Dieu sur une île, quelque part. 2 douzaines de sacs de farine. 2 douzaines de sacs de farine. La paix, la quiétude, les cloîtres, de la nourriture provenant des jardins de l'abbaye, 10 outres de vin. 10 outres de vin. Du vin provenant des vignes de l'abbaye, des femmes. Des femmes. Hein? Pardon. Le sens de la vie, c'est de survivre. Il faut juste essayer de se débrouiller pour rester en vie le plus longtemps possible. Utiliser tout le temps dont on dispose et toutes les méthodes qu'on peut trouver pour rendre ce voyage aussi confortable que possible. Rester en vie et avoir son confort. Voilà le sens de la vie. Et ce sont aussi les 2 choses les plus difficiles à faire quand on doit passer son été à combattre dans une putain de guerre en Écosse. Et Gam ? Siward, vous êtes de retour ? Encore à vous plaindre, et Gam ? Non, mon général. Je fais juste l'inventaire. Petit, sors et surveille la porte. À vos ordres, mon général. Comment va l'inventaire ? Ça avance, mon général. À combien se monte son estimation à ce stade ? 5 coffres pleins de pièces écossaises, 6 chandeliers en or, 12 tasses en argent, 12 assiettes en argent. 12 seulement ? Oui, mon général. Peut-être qu'ils mangent dans des assiettes en bois. Ou alors ils ont caché le reste. Et les animaux ? Des chevaux, des chiens, des vaches, des moutons, des os, des poules. Combien ? Je ne sais pas, un certain nombre. Combien exactement ? Combien d'oies ? Combien de moutons ? Combien de poules ? Un nombre normal. Des chiffres, et gamme. Vous voulez que je compte le bétail et la basse-cour ? Nous devons tout compter, et gamme, nous ne volerons rien. Il faut que l'armée mange. Il faut que nous mangions, mais les Écossais aussi. Les hommes ont besoin d'être payés. Nous paierons les hommes et nous les nourrirons, mais les Écossais ont besoin d'un trésor. Bien. Je veux dire qu'habituellement, mon général, il y a un partage. Et les hommes ne vont pas tenir longtemps avec seulement de la nourriture et de l'eau et aucune perspective excitante. Les Écossais pensent que nous sommes ici pour les assujettir. C'est notre tâche de leur prouver qu'ils se trompent. Nous ne prendrons ni femmes, ni or. Et nous ne prendrons pas une bête de plus que ce dont nous avons besoin. Nous allons faire en sorte qu'ils nous accordent leur confiance. Compris, Egam ? Oui, mon général. Bien. Comment va votre main ? Douloureusement. Vous allez bientôt pouvoir retourner vous battre. Je crois pas, mon général. C'est vraiment douloureux. C'est une petite blessure obtenue pour une juste cause. Portez fièrement cette cicatrice, et gamme. D'autres perdent davantage. Mon général ! Mon général ! Désolé, mais je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Attendez, voulez-vous bien attendre ? Désolé. Croire ? Je ne suis pas confortablement installée. Je suis désolé de l'apprendre. Je veux mes vêtements, je veux mon lit, et je veux mes femmes. Je viens seulement de rentrer de voyage, Gouar. S'il s'agit de votre confort de vie, je suis sûr qu'Egam va vous venir en aide. Je suis sûr que non. Quel est le problème exactement ? Je veux mes vêtements. Je vais faire en sorte qu'on vous apporte quelques vêtements. Je ne veux pas quelques vêtements, je veux mes vêtements. On a pris mes vêtements ! Que voulez-vous dire, pris ? 2 coffres remplis de mes vêtements ont disparu de mes appartements. Et vous pensez qu'on les a pris ? Ils ne sont pas partis tout seuls. Qui les a pris ? Vos hommes les ont pris. Qu'est-ce que mes hommes pourraient bien faire de vos vêtements ? Les vêtements d'une reine. Qu'est-ce que mes hommes pourraient bien faire des vêtements d'une reine ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vos hommes pourraient bien faire des vêtements d'une reine ? Je suis désolé d'apprendre vos ennuis. Retournez dans vos appartements. Je vais demander à quelques-uns de mes hommes de chercher ce qui a disparu. Ils n'auront pas loin à chercher. Ce coffre contient mes vêtements. Des couvertures et des rideaux. Ce coffre contient des couvertures et des rideaux. Il contient ma garde-robe. Ouvrez-le. Aviez-vous l'intention de les porter ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce là la coutume chez les Anglais ? Ça me revient maintenant. Un des petits gars l'a descendu. Il est semblable à d'autres coffres semblables. Je vais faire en sorte que le petit gars le remonte et le remette là où il était. Manque-t-il d'autre chose ? Une timbale. Est-ce une timbale de valeur ? Mon père me l'a donnée quand je suis née. Les emblèmes de ma famille sont gravés. Trois serpents qui dévorent une lune. Et gamme, avons-nous cette timbale ? Elle n'est pas répertoriée dans l'inventaire, mon général. Nous tâcherons de la trouver. Et je veux mon lit. Vous savez, un lit. Je veux mon lit. Je veux occuper mes appartements, pas la pièce à l'arrière de la tour dans laquelle vous m'avez relégué. Et je veux mes femmes. Et si vous aviez vos vêtements, cette timbale, vos appartements, vos femmes et votre lit, seriez-vous confortablement installé ? Oui. Mon général, Malcolm a insisté pour qu'on la garde dans les pièces donnant sur l'arrière. Installez-la dans ses appartements. Peut-être qu'elle n'est plus reine, mais elle n'en reste pas moins une femme. Et elle est toujours chez elle, où nous sommes ses hôtes. Veillez-y, Egam. Oui, mon général. Toi, petit, accompagne-la et monte la garde. À vos ordres, mon général. À moi. Cela appartient au trésor. Mon trésor ? Le trésor de l'Écosse. Le mien ? Je suis toujours d'Écosse, n'est-ce pas ? Je l'espère. Comment s'est passé votre voyage ? Bien. Comment vont nos chefs ? Ils ont leur doléance. Rien de bien surprenant à ça. Il y a plein de conflits à régler. Mais si nous persévérons, je crois que nous pourrons présenter une cartographie que tout le monde s'accordera à trouver juste. Présentez-leur une cartographie de la trahison, ils s'accorderaient tous là-dessus. Malcolm. Malcolm, vous êtes en position de force. La reine n'a pas le soutien qu'elle pense avoir. Certains des chefs morais parlent de compromis. Ne croyez pas un seul mot de ce qu'ils vous disent. Ils sont comme des mouches dans sa toile. Rien ne se dit en Écosse qui ne revienne à ses oreilles. Si ce sont ses souhaits à elle qui parlent à travers eux, alors prenons-la au mot. Je me demande si elle ne pourrait pas manger quelque chose. Pardon ? Une anguille pas fraîche, une poule avariée, des débris de verre. Il est dans notre intérêt de garder Grouard en vie et confortablement installé. Oh, j'ai vu que vous l'aviez fait changer d'appartement. Elle a dit qu'elle n'était pas confortablement installée. Araignée ! Oh, c'est ridicule ! Vraiment ? C'est la seule personne en Écosse qui a le pouvoir d'apaiser ce conflit. Un conflit apaisé rendra possible un royaume apaisé. Un royaume apaisé est un royaume dans lequel tout le monde est mort. Ce n'est pas le cas en Angleterre. Admirable Angleterre. J'aurais aimé rester en Angleterre. J'aime la façon dont les gens parlent en Angleterre. J'aimais chasser dans ces vastes forêts de chênes. J'aimais les chiens et les chevaux qu'on y trouvait. J'aimais le fait que personne ne cherchait à me tuer en Angleterre. Je n'ai que très peu de plaisir à incarner l'Écosse. Rendez-moi l'Angleterre et donnez mon trésor à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas votre trésor. J'ai vu de la fumée. De la fumée ? Hier, en revenant de Dunkeld. Y a-t-il eu un incident ? Des nouvelles de l'enfant ? Aucune. Une de nos patrouilles a trouvé deux des lieutenants du tyran cachés dans une grange du village. Ils étaient armés et semblaient se préparer à tendre une embuscade. Nous avons fait brûler la grange. Ils sont morts. Et le fermier ? Quel fermier ? L'homme à qui appartenait la grange. Il est sain et sauf. Bien. Est-ce l'un des miens ? Je ne sais pas. Seulement, si c'est l'un des miens, il aurait sans doute dû se sacrifier pour moi quand les hommes du tyran sont arrivés, n'est-ce pas ? Au lieu de les cacher dans sa grange. Ils l'ont probablement menacé. Il n'a probablement pas eu le choix. Certes. Tout de même, être l'un des miens engage à certaines obligations. C'est un vieil homme. Il faut que l'on voie les miens me défendre. Qu'on les voie me défendre de la plus haute importance. Si l'un des miens échoue à me défendre et que je ne le châtie pas, alors je passe pour un homme faible. Vous passez pour un homme clément. En tout cas, faire brûler sa grange, c'est un châtiment qui devrait suffire. Vous devez penser que nous sommes un peuple très querelleur, nous autres Écossais. Les Anglais se querellent aussi. Seward, j'ai été élevé en Angleterre, dans ces admirables forêts de chênes où tout est tacheté de soleil, dans ces bois qui regorgent de sangliers et de chevreuils, sur ces tables où toujours le jambon est en abondance et la bière coule à flot. Mais ici, nous ne sommes que roches, marécages, forêts et loques. Je suis lié aux miens. Si l'un des miens ne me défend pas au prix de sa vie, eh bien, et il se trouve que je déteste cet aspect des choses, mais on ne peut pas l'ignorer, cet homme doit mourir. Je refuse de tuer un homme parce qu'il a fait quelque chose de sensé. Naturellement. Naturellement, vous avez raison. Je suis désolé, Seward. Il faut que vous me pardonniez. Parfois, j'oublie. La façon de penser dans ce pays est tellement semée d'embûches. On doit les contourner en faisant de tels détours que parfois j'oublie jusqu'à l'existence même d'une autre façon de penser. Direct. Faites ce que vous pensez être juste. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Donald ! Sire ? Envoyez deux de vos hommes trouver ce fermier. Tuez-le, lui et sa famille. Répartissez ses biens entre les villageois. Egam ? Petit, laisse-nous. À vos ordres, sergent. Pardonnez-moi, madame. Que voulez-vous ? Je voulais juste m'assurer que vous étiez désormais confortablement installée. Pour le moment. Avez-vous tout ce dont vous avez besoin ? Vêtements ou autres ? Oui. La timbale dont vous aviez parlé. La timbale en argent. Je l'ai trouvée. Où était-elle ? Je l'avais prise. J'avais pris vos vêtements. Pas pour les porter, mais pour les donner à mes soldats, afin qu'ils les ramènent à leurs femmes et à leurs filles. J'avais pris ces choses parce que nous avons gagné. Vous comprenez ? Seward veut la paix, mais moi je veux de l'argent. Je veux simplement que vous sachiez quelle est ma position. Merci. Je veux que vous voyez que j'ai l'intention d'être honnête avec vous. Vous avez l'intention d'être honnête avec moi concernant le fait que vous êtes malhonnête. Si nous savons tous deux quelle est notre position, peut-être que nous pouvons nous aider mutuellement. Je sais que vous ne voulez pas de notre présence ici. Certains d'entre nous ne veulent pas être ici non plus. Néanmoins, nous sommes ici et donc nous devrions trouver des arrangements de façon à rendre notre séjour aussi confortable que possible. Est-ce que Seward sait que vous êtes ici ? Non. Le problème avec Seward, c'est que c'est un homme bon. C'est très difficile de négocier avec les hommes bons. Vous n'êtes pas un homme bon. Non. Que voulez-vous ? Je veux que mes hommes puissent se rendre au marché sans danger pour y acheter et y vendre des marchandises. Je veux qu'on laisse mes convois en paix. Que m'offrez-vous en échange ? Que voulez-vous ? Trahiriez-vous votre propre camp ? Ça dépend de ce que vous entendez par trahir. Les hommes de Malcolm sont à la recherche de mon fils. Je veux qu'on le mette en sécurité, avec les miens, à Glen Lyne. Ne préférez-vous pas une protection écossaise pour votre enfant ? Je n'ai pu faire confiance à personne. C'est mieux qu'il soit avec une patrouille anglaise. Malcolm n'aurait aucune raison de se méfier. Mettez-le en sécurité, et les miens vous laisseront faire votre commerce en paix. Où est-il ? L'une des miennes vous conduira jusqu'à lui. La fille qui s'occupe des poules. Comment le reconnaîtrai-je ? Il a sur lui la marque de ma famille. Trois serpents qui dévorent une lune. Egam, pour vous, emportez-la au marché. Vous en tirerez un bon prix. Considérez que c'est un gage de ma bonne volonté. Est-il vrai que vous mangez les bébés ? Les bébés ? Ils disent que vous mangez les bébés. Ils disent que les Écossais mangent les bébés ? Non, je veux dire... Que veux-tu dire ? Je demandais si c'est vrai que vous mangez les bébés. Moi ? Oui. Ils disent ça ? Ils disent que votre mari avait coutume de... Avait coutume de quoi? Ils ont dit qu'il avait coutume de tuer les gens et qu'une fois tué, oui. Il soumettait leur femme et que quand il y avait un bébé... Quoi? Ils disent qu'ils vous le donnaient et qu'alors vous le mangiez. Ils disent ça? Oui. Ce qu'ils disent? Oui. C'est vrai. Mon Dieu. N'as-tu jamais mangé de la chair de nourrisson? Moi? Non. Ne mangez-vous pas de la chair de nourrisson en Angleterre? Non, pas dans le Kent en tout cas. Vous devriez. Je ne pense pas. C'est un délice. Très tendre. C'est un beau chant. Elle chante bien, n'est-ce pas? Vos dames. Charmant. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chanson? Ce n'est pas une chanson. Qu'est-ce que c'est? C'est une malédiction. Contre qui? Contre vous. Oh. Tiens, bois. Et tu te transformeras en oiseau. D'accord. Prends ton envol et rentre chez toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas rentrer chez toi? Quoi? Dehors! Pardon? Un gosse est mort. Dehors! Sortez de ces appartements, tout de suite. Petit, fais-la sortir. Petit, attends! Que se passe-t-il? Un gosse est mort. Là, dehors, dans la poussière de la cour du château, parmi les abats du bétail, dans la boue. Un gosse mort. Il a été tué par des hommes qui portaient vos couleurs. Les miennes? Vous le saviez. Qu'est-ce que je savais? Vous les avez orientés vers notre patrouille. Comment, Seward? Je suis ici retenue prisonnière. Comment pourrais-je bien avoir une quelconque idée de ce qui se passe là-bas dans la forêt? Vous m'avez demandé de vous changer d'appartement. Parce que je voulais retrouver mon propre lit, oui. Depuis cette fenêtre, vous voyez chaque fois que le portail s'ouvre, chaque fois qu'une patrouille s'en va, et vous voyez aussi la direction qu'elle prend. J'ai mieux à faire de mon temps que d'espionner vos hommes. Vous les avez vus partir, et alors vous leur avez envoyé un signal. Comment? Je ne sais pas. De la lumière réfléchie dans un miroir, les paroles d'une chanson, les vêtements que vous portez quand vous allez à la fenêtre. Dans ce pays, tout et n'importe quoi peut être porteur d'un message. Seward, pourquoi ferais-je cela? Je suis sous votre protection. Alors qu'il est, vous êtes mon seul rempart contre la mort que l'un des assassins de Malcolm me réserve. Il serait insensé de ma part de me conduire d'une façon qui vous incite à vous méfier de moi. L'Angleterre ne m'intéresse pas. Il y a une guerre dans ce pays, mais c'est une guerre entre Malcolm et moi. Quelqu'un qui portait vos couleurs a tué un de mes gosses. Accordez-moi l'intelligence qui sied à une reine, Seward. Si j'avais voulu qu'un soldat anglais soit tué, je n'en ai pas eu l'intention, mais à supposer que je l'ai eu. Ne pensez-vous pas que j'aurais demandé à mes femmes d'ajouter à leur chant crypté cette instruction? Faites-le, et quand vous le ferez, faites-le en portant les couleurs de Malcolm. Naturellement, vous êtes en colère, Seward. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez été dupé, mais pas par moi. Demandez-vous ceci. Qui tire profit de votre colère contre moi? Qui voudrait vous voir en colère contre moi au point que vous puissiez vouloir me tuer? Qui? Un gosse est mort. Je sais. Je sais. On m'a envoyé ici pour rétablir la paix. Et j'essaie d'accomplir cette tâche aussi honnêtement que possible. Je sais. Et là, dehors, un gosse est mort. À chaque fois qu'un gosse meurt, je le ressens au fond de moi. À chaque fois qu'un gosse meurt, quel que soit son camp, je le ressens au fond de moi. Je sais. Vraiment? Vraiment. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû vous déranger. S'il vous plaît, pardonnez cette intrusion. Seward, restez! Parlez! Vous avez parlé avec tout le reste de l'Écosse. Parlez avec moi. Les femmes ont fait chauffer du vin. Buvez. Mon général! Quoi? Mon général, cette boisson est une malédiction. Elle va vous transformer en oiseau. Qu'est-ce que tu racontes? C'est elle qui me l'a dit. C'est une potion magique. Je mange les bébés. Elle mange les bébés. Du sang. Petit, va. Mais je... Vas-y. Mais... Allez. D'accord, d'accord. Quel genre d'oiseau? D'après vous? Je dirais un faucon. Je dirais un coucou. qui fait son nid dans celui des autres. Toujours là? Pour l'instant. Asseyez-vous. Je suis lasse d'être une sorcière. Je suis lasse des reines et des généraux. Je suis lasse d'être coincée dans cette pièce. Seward, il ne me reste aucune compagnie digne de ce nom à Dunsinane. Vous êtes mon hôte dans mes appartements. Faisons semblant de croire l'espace d'un instant que nous ne sommes pas des ennemis, mais seulement ce dont nous avons l'air. Un homme et une femme, buvant du vin et parlons. Rien de plus. Quelque chose ne va pas? Non. Vous manque-t-il quelque chose? Non. Alors? Le lit, les tapisseries, les femmes, ce n'est pas ce à quoi je suis habitué. Vous êtes Lord Northumberland. Vous devez savoir ce qu'est le confort dans votre propre château. Mon château est vide. N'y avez-vous pas une femme? Non. Vous êtes comme mon mari. Vraiment? C'était un soldat. Il aimait les tentes, les feux et les champs de bataille. Il n'aimait ni les cours ni les rois. Mais vous aussi? J'aime être reine. Pourquoi seriez-vous? Vous êtes honnête. Vous attendiez-vous à autre chose? Non. Donnez-moi votre main. Pourquoi? Laissez-moi lire dans les lignes de vos mains. Pourquoi? Vous occupez mon pays. Je veux voir votre avenir. Ces documents sont des secrets d'État. Montrez-moi d'abord les vôtres. Je n'ai rien à cacher. Que voyez-vous? Je ne sais pas. Quoi qu'il y ait, c'est écrit dans une langue que je ne sais pas lire. Essayez. Du blanc. De la neige. À moi maintenant. Alors? Des combats. Quoi d'autre? Rien d'autre. Votre toucher est doux. Est-ce que cela vous surprend? Non. Aviez-vous imaginé mon toucher? Oui. Vous aviez imaginé mon toucher et maintenant me voici en train de vous toucher. Peut-être que nous devrions faire attention. Pourquoi? Que diraient les vôtres s'ils vous voyaient à présent? Perché sur la main de l'Angleterre, comme un oiseau apprivoisé. Quel genre d'oiseau? Un faucon. Les faucons ne s'apprivoient jamais. Ils choisissent avec le plus grand soin leurs allégeances. Croire, est-ce que ce sont vos hommes qui ont tué mon soldat? Non. Leur avez-vous donné des ordres? Mes hommes savent ce que je veux sans que j'aie à le mettre en mots. Est-ce ainsi que vous traitez habituellement vos ennemis? Je n'ai jamais rencontré un ennemi comme vous auparavant. Comme moi? Captivante. Captive? Les deux. Oh, cette langue. Nous n'avons pas besoin d'être ennemis, Seward. Vous avez dit vous-même qu'il n'y avait pas de conflit entre nous. Pourquoi l'allié de l'Angleterre en Écosse ne pourrait pas être moi? Comment? Vous n'avez pas de femme, Seward. Vous n'avez pas de foyer. Épousez-moi. Peut-être que vous êtes vraiment une sorcière. Je ne suis pas une sorcière, mais je suis la reine d'Écosse. Et si vous m'épousez, vous pouvez être roi. Est-ce possible? Sentez-vous en ce moment mon souffle sur votre main? Oui. Nous sommes en vie. Tout est possible. Tout. Edward, tu vois cette tapisserie? Ouais. Je vais atteindre la femme en plein dans le téton. Dans le téton, tu crois? Je crois. Très bien. Dieu chéri, s'il te plaît, fais en sorte que si je touche le téton de cette femme, alors fais en sorte que je touche un téton ce soir. En plein dans le téton! Oh, merci Dieu! Le téton de qui? Qu'est-ce que tu veux dire, le téton de qui? Le téton de qui envisages-tu de toucher ce soir? Qu'est-ce qui t'intéresse? N'importe quel vieux téton ou un téton en particulier? Je te suis pas, Edward. Téton... Mais quoi? C'est pas du baratin, tout ça? Y a-tu quelque... Y a-t-il une femme dans les parages? Non. Tu as une femme en tête? Eh bien... Qui? La fille des poules. Oh, doux Jésus miséricordieux! Je sais! Je comprends tout, maintenant. Donc, ce que tu demandes à Dieu, c'est, te laissera-t-il mettre la main sur la fille des poules ce soir? Et il vient de répondre oui. Ah oui, vraiment? Bon, à mon tour maintenant de faire un vœu. Que pourrais-je bien viser? Le visage du gosse. Le visage du gosse... D'accord. En plein dans la bouche. Dieu chéri, s'il te plaît, fais en sorte que si j'atteins le visage du gosse en plein dans la bouche, alors... Alors? Alors fais en sorte que je touche le téton de la fille des poules. Espèce de salaud! Dieu nous envoie un message très clair, mon ami. Quelle est ta cible? Le chapeau du Christ. Que demandes-tu? La justice. Nom de Dieu! Désolé, sergent! Vous auriez pu... Vous auriez dû lancer un avertissement! Désolé. Un avertissement retentissant! Désolé. C'est juste les flèches, là. J'aime pas après mon... Désolé, sergent. Tenez. Voici l'argent pour la dernière fois. J'ai un autre travail pour vous, Edward. Sergent? Rassemblez vos hommes et trouvez la fille qui s'occupe des poules. Elle vous conduira à son oncle. Traversez la forêt avec elle, elle connaît le chemin. Quand vous y serez, l'oncle vous confiera un enfant écossais dont vous vous occuperez. Vous le reconnaîtrez grâce à un tatouage, 3 serpents et 1 lune. Vous escorterez le garçon et le vieillard jusqu'à l'extrémité de Glen Lyon. Vous les laisserez au pied de l'If à Fortingall. Soyez de retour demain. Et n'informez personne de ce voyage, comme d'habitude. À vos ordres. La fille des poules? Oui. Sergent, est-ce que je pourrais faire ce travail? J'aimerais faire ce travail. Non. J'ai un travail différent pour vous. Lequel? Le fumier. Rassemblez le fumier qu'il y a dans les étables, mettez-le sur une charrette, et vendez-le pour le prix que vous pourrez en tirer. Le fumier. Putain de merde. Le chapeau du Christ. Putain de merde! Dieu! Qu'est-il arrivé à la justice? Que disent-elles? Elles ne font que discuter. De quoi? Du petit déjeuner. Je n'aime pas être en présence de personnes qui chuchotent. Tu pourrais apprendre notre langue. Votre langue est difficile à apprendre. Nous aimons qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Votre anglais est un outil de menuisier, Seward. Bonjour, au revoir, cet arbre est vert, des choses simples. La langue d'un soldat qu'on a envoyé conquérir le monde avec des mots, toujours à essayer de décrire. Jette des mots à cet arbre. Et tu finiras par me forcer à voir cet arbre exactement comme tu le vois. Nous avons depuis longtemps renoncé à croire aux descriptions. Notre langue, c'est la forêt. Apprends-moi. Veder gelauren tu, or djengere ne fein, er warlock tu. Que dis-tu? Je t'ai demandé si tu comprenais ce que je disais. Comment dit-on oui? Niha. Niha. Oui. Redemande-le-moi. Veder gelauren tu, or djengere ne fein, er warlock tu. Niha. Tes femmes rient de moi. Je suis désolée. Regarde-toi sourire. Toi qui souris et tes femmes qui rient de moi. Lequel de nous est vraiment le conquérant ici et lequel de nous le conquis? Ah, c'est toi le conquérant. Vraiment? Tu as envahi mon pays avec ta puissante armée. Tu t'en es emparé. Tu as ravagé ma terre, brûlé, violé. Et maintenant, je suis ta prisonnière dont tu peux disposer à ta guise. Tu te moques de moi. Fais confiance à mon rire si tu l'entends, Seward. Je ne ris qu'avec les hommes que j'apprécie. Et si je n'entends pas ton rire? C'est que je ris dans ton dos. Les chefs sont en train d'arriver pour siéger au Parlement. Il faut que nous soyons prêts. Ils peuvent t'attendre. Je dois y aller. Je dois y aller. Tes mots ont la pesanteur d'un homme ventripotent marchant sur des échasses. Il existe une danse de départ, Seward. Essaye d'en apprendre les pas. Regarde-toi, bel oiseau. J'ai tes serres autour du poignet. Libère-moi de mes liens, alors, et laisse-moi trouver ma proie. Je dois me défaire de toi, à présent. Lui, c'est Ross. Il porte les couleurs de Moray. C'est un signe parce que les Moray lui ont depuis longtemps retiré leur confiance. Vous voyez comme il est un Golspy. Golspy aussi est du côté des Moray. Regardez ça. Des embrassades, des rires décontractés. Ils sont démonstratifs à votre intention. Maintenant, regardez par ici. Voici McNeil. Il est venu des îles. Voyez comme il se tire à l'écart. On les a envoyés pour représenter MacLeod et la seigneurie des îles. Les îles montrent que leur allégeance première va à la Norvège et non à l'Angleterre. Ils veulent que vous sachiez à quel point vous êtes insignifiant. C'est leur message. Mais je n'avais pas. Je ne comprends pas ce message. Et ce qui importe, ce n'est pas que le message soit reçu, c'est qu'il ait été envoyé. Quand est-ce que je prends la parole? Je vous appellerai à la fin. Qui parle en premier? Malcolm. Regardez-vous. Abruti! À chaque fois que j'essaie d'être enthousiaste à l'idée de gouverner ce pays, la vérité s'insinue pour éteindre toute flamme passionnée que mon sentiment patriotique aurait pu réussir à susciter. Et mon cœur est à nouveau refroidi. Vous êtes tous des voleurs. Des voleurs et des fils de voleurs engendrés par des putains. Mon intention n'est aucunement d'être insultant en disant cela, à moins que la vérité elle-même ne soit insultante. Ce pays est le résultat de ce que vous en avez fait. Je viens à peine d'y revenir. Si vous faites de moi votre roi, je ne peux vous promettre qu'une seule chose. Une honnêteté totale. C'est dans cet esprit que je vous propose ce qui suit. Je gouvernerai uniquement en fonction de mes propres intérêts. Si je vous donne des marques de considération, ce sera pour calibrer très exactement tout ce que je peux tirer de vous, avant que vous ne décidiez d'user, si vous le pouvez, de violence contre moi. Je commettrai périodiquement et arbitrairement des actes de violence contre certains d'entre vous, de façon à ce que je puisse, de manière plus générale, maintenir l'ordre dans le pays. Je n'aurai pas l'esprit disposé à améliorer le pays ou à prendre en compte les conditions de vie du petit peuple. Je n'améliorerai pas le commerce. Je maintiendrai une armée uniquement pour vous soumettre à ma volonté. Quant aux puissances étrangères, je suis prêt à subir toutes les humiliations possibles pour conserver l'amitié de l'Angleterre. Il y a du positif! J'aime danser. J'imagine donc que je donnerai de grands bals. J'aime la musique et le chant. Donc, quand je vous rendrai visite dans vos différents châteaux, vous pourrez vous réjouir de pouvoir prendre du bon temps pendant de nombreux jours sans discontinuer. Et le plus important, pas besoin de perdre ne serait-ce qu'une minute de vos longues nuits froides à vous demander si vous avez ou pas ma faveur. Vous n'avez pas ma faveur, ni maintenant, ni jamais. Nous remercions Malcolm d'avoir pris la parole. Il s'est exprimé clairement et a été entendu. J'invite maintenant MacAlpine d'Alba à parler au nom des siens. Il ne s'est pas rendu populaire. Oh, tout va bien. La plupart des chefs ne parlent pas anglais. Ceux qui le parlent savent qu'il plaisante. Pourquoi plaisanterait-il à propos de son propre règne? Pour que nous comprenions qu'il dit la vérité. Qu'est-ce que c'est? Une plaisanterie ou la vérité? Les deux. Ne vous inquiétez pas. Les chefs écossais ici présents connaissent ma position. Je n'ai pas besoin de répéter ce que nous savons tous déjà. Je vais donc plutôt adresser mon propos à l'Angleterre. Le vieux tyran n'est plus, mais sa reine est toujours en vie. Cette femme a sur les mains le sang des nôtres en quantité infinie. Cette femme a utilisé tous les moyens dont elle disposait pour dominer notre pays. Nous sommes ici parce que nous avons été invités à un rassemblement et nous découvrons, Non seulement qu'elle est en vie, mais aussi qu'elle est confortablement installée à Dunsinane sous la protection de l'Angleterre. Je parle au nom d'Aipin, de Sutherland, de Tain, de ceux d'Angus et du royaume de Fife. Nous sommes venus ici pour dire « Installez Malcolm sur le trône et nous l'accepterons. » Mais il ne pourra y avoir de paix en Écosse tant que la reine demeurera à Dunsinane. Nous vous remercions, MacAlpine, d'avoir pris la parole. Vous vous êtes exprimé clairement et vous avez été entendu. J'invite à présent la comtesse de Moray à prendre la parole au nom des siens. Il ne laisse pas beaucoup de place pour un compromis. Il y a plein de place. Il ne pourra y avoir de paix en Écosse tant que la reine demeurera à Dunsinane. C'est sans équivoque. Tout dépend de la définition qu'on donne au mot. Quel mot? Paix, reine, Écosse, demeurer et Dunsinane. Regardez-nous. Ici, être aux ordres d'un général anglais. Où est l'Écosse à présent? Essayez de nous voir comme nos enfants nous verront quand ils se remémoreront cette journée, dans les temps à venir. Ils seraient humiliés. Nous devrions avoir honte de nous agenouiller devant un envahisseur. Mais il semble que nous n'ayons plus de honte du tout. Nous, à Moray, n'accepterons jamais Malcolm comme roi. La lignée royale passe par la reine pour aller à son fils. Où qu'il soit, caché dans quelque grotte ou quelque château que ce soit, le fils de la reine est le roi légitime. Et nous le défendrons jusqu'à la mort. Merci, Moray. Vous vous êtes exprimé clairement et vous avez été entendu. La dernière personne que j'appelle est Lord Seward, qui va parler au nom de l'Angleterre. L'Écosse est en guerre depuis de nombreuses années. De part et d'autre, il y a des camps avec des blessures. Chaque camp veut que ses blessures soient vengées. Chaque acte de vengeance est puni par la vengeance. Donc, si vous ne faites rien maintenant, la guerre va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus âme qui vive en Écosse et qu'il ne reste plus que les montagnes, les territoires déserts et la rancune qui plane au-dessus. Ces derniers mois, je me suis rendu dans chaque partie du pays pour vous parler. Parmi vous, je sais qu'il y a ceux qui ne peuvent accepter le fils de la reine pour roi. Je sais qu'il y a ceux qui n'accepteront jamais Malcolm pour roi. L'Angleterre propose donc un mariage. Que la reine épouse Malcolm. Que le fils de la reine soit l'héritier de Malcolm. Que les deux grandes maisons d'Écosse soient unies. Qu'en dit Malcolm ? Je suis quelque peu interloqué, mais impressionné. Angleterre, vous êtes plus subtil que je ne pensais. Que dit le clan des Moray ? La proposition qui est faite à la reine est claire. Qu'en dites-vous ? J'accepte. L'Écosse s'est décidée ! Préparons-nous à célébrer un mariage ! Je n'avais pas le choix. Moi non plus, semble-t-il. C'est la solution pour apporter la paix. Et maintenant, au moins, tu es à nouveau reine. À aucun moment, je n'ai cru à tes reines. En effet. Tu as honte, n'est-ce pas ? C'est encore pire. C'est la meilleure issue pour l'Écosse. Et tu le sais, tu as accepté, n'est-ce pas ? J'ai accepté mon sort. Bien. J'aurais aimé qu'il puisse en être autrement. Moi aussi. Ce chant, qu'est-ce que c'est ? Un chant nuptial. Que dit-il ? Il appelle les membres de la famille de la mariée. Il les informe qu'il y a un mariage. Il leur dit qu'elle a besoin d'une escorte. Il leur demande de venir. En grand nombre. Malcolm avait invité la reine à danser. Des hommes et des femmes de la noblesse les avaient rejoints. Seward, à l'écart, les regardait. Toute l'assemblée avait applaudi le nouveau couple royal. La guerre était finie. Nous allions pouvoir rentrer. Mon général ! Mon général ! Il y a un problème, mon général. Où sont les gardes? Mort, mon lieutenant. Que se passe-t-il? Ce sont les miens. Ils sont venus pour moi. Personne n'a vu comment les hommes de la reine se sont introduits dans Dunsinane. Les portes se sont ouvertes sans bruit et c'est après que nous avons découvert que toutes nos sentinelles avaient été égorgées. Mais quelle que soit la façon dont ces hommes sont entrés, le mystère, c'est sa sortie à elle. Avec quel calme elle s'est dirigée vers eux, ces hommes couverts de sang. Et que leur arrivée est relevée de la sorcellerie, ou de la traîtrise, ou d'une espèce de combinaison des deux. Une même pensée s'est répandue dans la salle, telle une fumée. Elle savait. Elle savait. Elle savait. Après avoir enterré Tom et John le cuisinier, puis Henry, Harry et Dan le fauconnier, nous nous sommes remis en route pour ramener la reine et son fils à Dunsinane. 4 semaines durant, nous avons sillonné les collines à leur recherche et... Mère, tu n'as jamais vu semblable colline. Jamais. De toute ton existence, à moins d'être allé soit en enfer, soit en Écosse. Et je n'imagine pas que tu y sois allé. Ni dans l'un, ni dans l'autre. Ces collines-là s'élèvent en formant d'imposants blocs gris aux angles insensés, si pentus que c'est comme si toute verdure s'en détachait par simple glissement. À moins que ces collines ne se dressent, telles de noirs navires sur une mer qui n'est qu'une lande détrempée. À moins que certaines d'entre elles n'évoquent un dos d'animal. Celui d'un ours, disons. Ou d'une vache. Une vache géante, couchée. Une vache malade, qui est donc recroquevillée et couchée. Pas sur un champ agréablement herbu, non, mais sur un tas formé par davantage d'animaux entremêlés et recroquevillés. Un amas. Un amas d'animaux. Mais ainsi sont les lieux où nos ennemis se cachent, et ainsi sont donc les lieux où nous les cherchons. Suivant notre général qui toujours nous précède, marchant encore et toujours dans la brume. Le cliquetis de son armure est parfois le seul bruit que nous entendons, alors que nous poursuivons notre ascension pour déboucher sur la sombre vallée. Pas grand-chose pour alimenter la conversation. Et pas de chanson non plus. Car ces collines font de chaque jour un calvaire. Mais Seward dit que nous devons nous évertuer à comprendre ce pays alors que ses habitants s'évertuent à nous résister. Aussi, trouve-t-il des endroits sur les hauteurs d'où il dit « là, en bas ». Là et là, et aussi là. C'est là qu'ils sont susceptibles de se cacher. Alors nous descendons. Là et là, pour inspecter la moindre grotte ou petite ferme qu'il a aperçue et enfumer quiconque s'y trouve pour l'en faire sortir. Et si nous rencontrons une résistance, nous nous battons résolument, mère. Et toujours nous gagnons. Nous gagnons parce que si nous ne gagnons pas, nous perdons. Et si nous perdons, alors qu'arrivera-t-il ? Bonjour les gars. Bonjour, bonjour sergent. Il est mort ? Oui sergent. Qui ? Edward, l'archer, sergent. Merde! Comment? Une vache lui a marché dessus. En pleine nuit, sergent? Dans Glen Lyon. On avait eu vent que le fils de la reine s'y cachait. Ça a dû faire mal. Ça a dû, sergent. Pauvre Edward. Oui, sergent. Portez-le dans le champ et enterrez-le. À vos ordres, sergent. Faites entrer les prisonniers! Que des garçons? Seward a dit, ne prenez que des garçons. Les cailloux fait des hommes. Brûlez. Vous les avez brûlés? C'est ça. Vifs? Ouais. Bien. Brûlés vifs. Ouais. Eh bien. Quoi? C'est. Quoi? C'est que. Quoi? Mais c'est un peu barbare comme méthode, non? Tous les hommes ont eu la possibilité de parler. Un de ces garçons est le fils de la reine. Si un seul de ces hommes avait parlé, un seul, ils pourraient tous être en vie alors qu'il est. Je peux comprendre qu'on menace les gens ou qu'on les malmène, voire même qu'on les torture. On s'attend à devoir recourir à ce genre de procédé parce que c'est une façon raisonnable, efficace même, de glaner des informations dont on a besoin. Mais de là à les brûler vifs? Si je suis impitoyable, c'est que leur reine m'en a montré la voie. Il n'est pas un jour sans que l'un de nos gosses ne nous revienne étendu sur une charrette, avec sur le corps des blessures qui sont le résultat de ses flèches à elle, des entailles qui sont le résultat de ses dagues à elle. Elle est impitoyable, aussi nous faut-il être impitoyable. Ils ne se battent pas contre nous pour leur reine. Ils se battent contre nous parce que nous sommes là. Les Écossais se battent systématiquement contre quiconque leur fait face. Ils aiment se battre. En fait, ils se battent contre nous en partie parce que nous les empêchons de se battre entre eux. À vous entendre, on dirait que vous préféreriez que nous soyons vaincus. Oh, qui a dit vaincu? Je n'ai pas dit vaincu. Avez-vous dit vaincu? Je n'ai pas dit vaincu. J'ai dit partir. Vaincu, partir. Quelle est la différence? Mais c'est toute la différence. Nous partirons quand nous serons vainqueurs. Être vainqueur, ce n'est pas un fait, Seward. Être vainqueur, c'est une décision que nous prenons. Oh! Un de ces garçons est le sien. Trouvez-le! Dans la cour du château, nous avons attaché les garçons écossais les uns aux autres afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. Et il y avait cette fille qui venait leur donner du pain et de l'eau. La fille qui s'occupe des poules. Hé, hey, c'est lequel d'après toi? Celui avec les yeux. Ils ont tous des yeux. Celui avec les yeux qui te regarde droit dans les yeux. Pourquoi? Regarde la façon dont il nous regarde, pleine de... De mépris? Non. De pitié? Non. De quoi? Comme si nous étions très loin de lui et tout petits. C'est peut-être simplement qu'il a une mauvaise vue. Ah, les regards ne veulent rien dire. Si on prenait une fille, n'importe quelle fille, hein, la fille des poules par exemple. Ah, vraiment par exemple. Si on lui mettait une robe bleue, si on habillait la fille des poules d'une robe bleu roi. Imagine comment elle nous regarderait alors. Ça ferait pas d'elle une princesse pour autant. Ça la ferait ressembler à une princesse. Elle a déjà l'air d'une princesse en ce moment. Oh, je l'imagine tout à fait. Traversant le hall d'entrée, foulant le sol à la lumière du feu. Qui? La fille des poules. Traversant le hall d'entrée dans sa robe bleue. Ah, splendide. Ah, trop splendide pour toi. Des mains douces. La fille des poules? Le fils de la reine. Ah, pas forcément. Je pense qu'on pourrait le reconnaître à ses mains. Une chevelure soyeuse. Une chevelure soyeuse. Ouais, une chevelure soyeuse. Qu'est-ce que tu racontes? On le reconnaîtra, sa chevelure soyeuse. Pourquoi? C'est ce que disent les chansons. Hein? La chevelure du... Je continue à penser que c'est ça. Non! Attends, attends, pas la fille des poules! Pas la fille des poules! Regarde-la! Dans cette robe bleue, traversant le hall d'entrée, sa chevelure soyeuse. Regarde-la! Une princesse. Hé, hey, qu'est-ce qui se passe là, les gars? Auquel voulez-vous parler en premier, sergent? À celui-ci. Lequel? Celui avec les yeux. Déshabillez-le. Faites-le! Ce n'est pas lui. Les cicatrices de coups de fouet sur son dos. Personne ne fouette les princes. Celui-ci. Que la peau sur les os. Jamais prince ne serait aussi mal nourri. Celui-ci. Sergent. Quoi? Sur la cheville, sergent. Trois serpents qui dévorent une lune. Sa peau n'est pas abîmée. Quel genre de garçon atteint sa 15e année sans avoir la peau abîmée? Quel genre de garçon n'est jamais tombé d'un arbre? Détachez-le. Regarde-toi. Un sac d'os qui respire, rien de plus. Ou presque. Ça semble inhumain de te tuer. Je sais que tu comprends pas ce que je dis, mais tu peux peut-être l'entendre dans ma voix. Je suis désolé. Mais je veux vraiment, vraiment rentrer chez moi. Emmenez-le à Siwa. Que faisons-nous des autres garçons, sergent? Mettez-les dans un tombereau. Emmenez-les à Perth. Vendez-les comme esclaves là-bas aux Danois. Répartissez tout l'or que vous en tirez entre vous. C'est votre récompense. Allez. Sergent! Sergent! Quoi? Celui-ci aussi a un tatouage. Quoi? Sergent! Celui-ci aussi! Sergent! Je pense qu'il n'est pas impossible qu'ils aient tous un tatouage, sergent! Putain de merde! Putain de merde! Lequel d'entre vous est le roi? Lequel d'entre vous est ce putain de roi? Seward, vous voici de retour. Vous m'avez fait appeler. Les chefs m'ont dit que vous avez à nouveau été par Mons et par Vaux. Oui. À travers tout le pays, à la poursuite de la reine. J'ai fait quelques progrès cette fois. Ils disent que vous êtes sans merci. Je mettrai fin à la rébellion en tuant son organe vital. Egam a entendu que le fils de la reine se cachait à Glen Lyon. J'ai ratissé la vallée et ramassé tous les garçons de son âge. Nous le trouverons. On dirait vraiment que la guerre progresse à grands pas. Je l'espère. Bien. Seulement, je me demande si elle ne progresse pas à trop grands pas. Pardon? En parlant avec les chefs, vous savez comme ils parlent. Doléance après doléance, je perds le fil. Et j'en suis venu à me demander si les choses n'allaient pas trop bien. Comment est-ce possible? Seward, mes chefs ne me prêtent pas allégeance pour des raisons morales ou même par amour. Ils me prêtent allégeance parce que je suis faible. Je ne les menace pas. Plus je suis fort, plus ils se mettent à se demander s'il est possible qu'un jour, je sois assez fort pour avoir tout pouvoir sur eux. Ils commencent à se demander s'il ne serait pas dans leur intérêt de contrebalancer mon pouvoir en rejoignant les forces de la reine. Le chef de Glen Lyon était du côté de la reine. Il sait désormais que ce n'était pas dans son intérêt. Dans la mesure où il est mort, certes, j'aurais préféré que vous fassiez preuve de modération. On ne retient pas un chien qui court un cerf. Pas si on veut avoir à manger. Glen Lyon n'était pas un homme dangereux, Seward. C'était un lâche. Il attendait tranquillement de voir la tournure que cette guerre allait prendre. Maintenant que vous l'avez tué, ses proches ont été forcés de décider de quel côté se ranger. Il semble à présent qu'il se soit rallié à la reine. Alors, j'enverrai à nouveau une troupe à l'assaut de cette vallée et je la ferai à nouveau brûler. Pourquoi diable voudriez-vous faire ça? Pour fixer des limites. Mais arrêtez! Juste, Seward, s'il vous plaît, vous devez arrêter ça. Cette incessante détermination. Il y a des relations de loyauté entre nous. Il y a des alliances en Écosse. Il y a des amis qui se disent être des amis, mais qui œuvrent contre nous. Et d'autres qui se disent nos ennemis, mais qui nous aident en toute discrétion. Il y a entre nous des réseaux tissés par des devoirs de reconnaissance. Il y a entre nous des mariages et des naissances. Il y a entre nous des querelles, dont le statu quo ne tient qu'à un fil. Des querelles prêtes à basculer dans la guerre au moindre courant d'air, si ténu soit-il. Il y a des relations entre nous. Et dans cette toile très délicate, vous donnez un coup de poing. Je suis un soldat. J'aime la clarté. La clarté se rapproche dangereusement de la brutalité. Et la subtilité se rapproche dangereusement de la corruption. Sachez que j'écoute très attentivement les mots que vous choisissez. Bien. Alors, écoutez bien ceci. Vous me dégoûtez. Du vin, du bien-être, des chansons, de la soie, tandis que dehors, des gosses meurent pour vous. Vous êtes corrompu, Malcolm. Creux. Faible. Vous vous complaisez dans votre propre vénalité. À ce qu'il semble. Ne vous êtes-vous jamais demandé, Seward, s'il n'était pas impossible que j'ai en fait voulu donner l'apparence de me complaire dans la vénalité? Cette pensée vous a-t-elle jamais traversé l'esprit? Ou cette pensée est-elle un oiseau trop subtil, trop corrompu pour que vos mains de bois d'anglais puissent l'attraper? Ça pourrait être une stratégie plausible, Malcolm. Si ce n'était le fait qu'en réalité, vous voulez véritablement qu'on vous laisse tranquille pour profiter de votre vin et de vos femmes. En réalité, vous êtes faible. Ce n'est pas une apparence, c'est la vérité. La meilleure façon de préserver l'apparence de quelque chose de vrai, c'est que cette apparence devienne réellement vraie. Ce ne sont que des mots, Malcolm. Que voulez-vous que je fasse? Que j'abandonne? Je ne veux pas que vous renonciez à votre poursuite enthousiaste de la reine, Seward. Laissez-la commencer à faire des erreurs. Si les chefs se disent qu'elle peut l'emporter, ils ne tarderont pas à se mettre à comploter contre elle. Je vous demande simplement de mener votre combat de manière plus nuancée. Je suis désolé. Je ne sais pas ce que « manière nuancée » veut dire. Seward, votre insistance à gouverner par la force fait qu'il est très difficile pour moi d'être roi. Si être roi devient pour vous une tâche pénible, il y a des chefs qui pourraient prendre votre place. Peut-être que vous préféreriez retourner en Angleterre. Admirable Angleterre ! Non, mais peut-être que vous, vous aimeriez y retourner. Pourquoi ? Je sais pas, c'est juste que vous avez l'air fatigué. Seward, vous avez perdu un fils en Écosse. Faites attention à ne pas y perdre aussi la tête. Je suis toujours chef de détachement. Et moi, je suis toujours roi. Non ! Vous n'êtes pas roi, Malcolm. Vous n'êtes pas roi en Écosse. Vous n'êtes pas roi à Dunsinane. Vous n'êtes même pas roi dans cette pièce. Les rois règnent! Quand vous parlez de royauté, vous parlez de qui est ami avec qui, de qui a dit quoi, de ce que veulent dire les choses, de quel cadeau offrir. Vous avez raison. Je suis fatigué, Malcolm. Je suis fatigué des apparences. Je suis fatigué des « à ce qu'il semble ». Je n'ai que des os et de la chair, de la boue et des marécages et du métal. Tel est le monde dans lequel j'exerce mon pouvoir. Tel est le monde dans lequel je me battrai. Tel est le monde dans lequel je serai vainqueur. Non. Je serai vainqueur. We'll be soldier free. Pardonnez-moi, je vous en prie. Let me come forth from the York country. We never pity of money. Real Confederate free, complete. Pardonnez-moi, je vous en prie. To our good fellow, wherever they be, we never pity of money. Froid. L'hiver approche. Sur quoi pourrions-nous tirer? Ah, ça m'amuse plus. Mais ça aide pas le froid qu'il fait. Important le whisky. Le whisky n'aide pas non plus. Prends-la pour cible. Quoi? La fille des poules. Non. Pourquoi pas? Je pourrais la toucher. Tu serais incapable de toucher un cheval même si tu le montais. Je serais sacrément capable de la toucher. Ouais, et où est-ce que tu la toucherais? Juste entre les jambes. Ses lèvres, ses tétons, lui enlever sa robe et toucher chaque parcelle de son corps nu. Princesse. Oh, regarde la façon qu'elle a d'être assise. Elle a l'air d'avoir faim. Ah, pauvre petite chose. Elle te sourit? Non. Si? C'est vrai qu'elle sourit. Parle-lui. Je peux pas. Pourquoi pas? Je parle pas la langue. T'as pas besoin de connaître la langue d'une fille pour lui parler. Hein? Pas besoin de mots pour ça. Les mots, c'est des obstacles. Y a que des sons quand tu parles aux filles. Elle veut jouer. Je sais pas quoi faire. Tire une flèche. Quoi? Pour rire. Pour rire, je tire une flèche dans sa direction. Mais comment est-ce que je fais pour tirer une flèche pour rire? Tu rates délibérément. Pour rire. Oh oui, ça la fera rire. Je te promets, elle trouvera que c'est drôle. Vous êtes sûr? Ah. Je l'avais dit. Et maintenant? Tire. Vise pour rater. Et si je rate mon raté, et que je la touche? Ça n'arrivera pas. Oh, je voudrais qu'Edward soit là. Vas-y. Bah, va la voir. Vas-y. Qu'est-ce que t'attends? D'accord. J'y vais. J'y vais. Regarde-le. Il a jamais embrassé une fille, hein? Je n'ai rien fait. Oh, regarde. Elle va l'embrasser. Mon Dieu, ce qu'elle est belle. Bon Dieu, que j'aimerais être à sa place. Regarde, elle est sauce. Elle a tué Eric. Elle s'échappe. Elle a tué Eric. Il s'échappe. Je m'assile. Elle a tué Eric. Il s'échappe. Qui? La fille des poules. Non. Je la tiens, sergent. Je peux la frapper? Non. Je la veux vivante. Jeune fille, pose ton couteau à terre. Pose-le à terre. Pose-le à terre. Doucement. Non! Faut vraiment qu'on se tire de ce putain de pays. Je ne comprends pas vos compatriotes. Ils ne se comportent pas comme se comportent les gens que je comprends. Ils sont un mystère. Il n'y a pas toujours eu la guerre ici, Seaward. Il y a eu par le passé des moissons, des marchés, des tribunaux, des monastères. Dans ma jeunesse, on pouvait regarder une vallée entière et savoir nommer tout ce qui s'y trouvait. Les noms provenaient des couleurs ou des arbres qu'on y voyait, ou encore de la maison à qui appartenait celui qui vivait là. Colline Rouge, Bois de Bouleau, Maison d'Alistair. Mais quand la guerre arrive, elle ne détruit pas seulement des choses comme des moissons et des monastères. Elle détruit aussi le nom des choses. Elle promène une ombre sur le paysage tel un faucon, et quelques noms qu'elle aperçoive, elle fond sur lui et l'emporte dans ses serres. La colline rouge se change en colline du carnage. Le bois de Bouleau devient le bois de la douleur, et la maison d'Alistair devient l'endroit où était autrefois la maison d'Alistair. Nous ne savons plus où nous sommes. Nous ne sommes pas des gens mystérieux, Seaward. Nous nous sentons simplement perdus. Peut-être qu'Egam a raison. Peut-être que je devrais rentrer chez moi. Il faut rester vous battre. J'ai besoin de vous. Je me demande ce que je ressentirais si je désertais ma propre armée. Laisser le commandement m'échapper comme si j'ôtais mon armure. Me lever une nuit dans l'obscurité et m'en aller simplement à pied, laissant Dunsinane derrière moi. Simplement disparaître dans la brume. Vous imaginez ? J'imagine. Vous et moi, Macduff, nous pourrions déclencher une bataille, puis nous éclipser. Nous pourrions nous éloigner au beau milieu de la bataille et laisser croire à tout le monde que nous sommes morts et que nos corps ont été la proie des loups. Nous pourrions marcher, et marcher encore, jusqu'à ce que nous trouvions un nouveau pays. Mes enfants sont morts. Ma femme est morte. Quand je suis arrivé à cheval, mon château en vue et que j'ai découvert de la fumée noire qui planait au-dessus des remparts, j'ai envisagé la possibilité de repartir au galop, à bride abattue. Je savais que si je franchissais la porte pour voir ce qu'il restait des miens, elle se refermerait derrière moi pour ne plus jamais s'ouvrir. Je suis entré. J'ai vu. J'aurais beau marcher encore et encore, maintenant et jusqu'à la nuit des temps, Seaward, je serai toujours enfermé là-bas. Je ne peux pas partir. Et vous non plus. Mon général. Mon général. Egam, que se passe-t-il ? Le fils de la reine, on l'a trouvé. Je suis le fils de la reine. J'étais caché dans les collines près de Glen Lyon, dans les bois noirs qui s'y trouvent. Dans ces bois noirs, il y a une bande de soldats et ma mère. Dans ces bois, nous préparons les attaques contre les Anglais. Les femmes de ma mère sont des sorcières. Elles jettent des sorts. Elles utilisent des plantes pour faire des potions que nous buvons pour avoir des pouvoirs secrets. Quand nous en buvons une gorgée, alors les flèches ne peuvent pas nous transpercer la peau. Nous en buvons une autre gorgée, alors les épées ne peuvent pas nous entailler. Quand nous en buvons encore une autre gorgée, nous devenons invisibles sur le flanc des collines. Nous avons des sortilèges qui empoisonnent les locks. Demandez-lui comment il s'appelle. Khaleh Stubiog. Lular. Lular. Comment dit-on si c'est vrai, signe ses aveux. Dites-lui, Biog, achète Niaktu. Lolar, Biog Ashikniakto. Qu'allez-vous faire de lui? Si nous le gardons en otage, peut-être que nous pouvons convaincre la reine de négocier. Pas question. Il est leur cause. Il est temps d'en finir. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que vous ne pouvez pas le tuer. Mon général, je peux le faire. Non. Que dit-il? Il appelle sa mère. Le fils de la reine est mort. On me l'a dit. Maintenant que le fils est mort, les Morais ne peuvent plus revendiquer le trône. Les chefs n'ont plus de motif pour apporter leur soutien à la reine. Elle ne peut que capituler. Il est plus probable qu'en tuant cet enfant, vous lui ayez donné la vie éternelle. Il reviendra. On le verra aux Orcades ou dans quelques manoirs de Norvège. Il reviendra d'esclavage en Irlande, à moins qu'on ne le trouve sur les îles. Aussi longtemps que je serai sur le trône, le fils de la reine viendra me hanter. Jusqu'à ce qu'un jour la mort m'emporte. Et même si je meurs de ma belle mort, il y aura des gens pour dire c'est le fils de la reine qui l'a fait. L'Écosse n'accepte pas sa mort. Malcolm, je vais vous poser une question et je veux que vous y réfléchissiez de toutes vos forces. Que vous trouviez les mots les plus justes possibles, les plus limpides. Que vous trouviez les mots qui s'ajustent au plus près du monde tel qu'il est là dehors. Hors des murailles de Dunsinane. Ce pays sera-t-il jamais en paix? Pas de la façon dont vous voulez qu'il le soit. Un seul mot. Vous semblez penser que la paix est un état naturel, Seward. Et que le conflit n'est que son interruption, mais la vérité, c'est que c'est exactement le contraire. La paix, c'est ce à quoi ressemble la mer quand c'est le calme plat, un moment rare. Et de toute beauté, quelque chose d'impossible. Un éphémère aperçu de perfection avant le retour du vent. Vous ne pouvez pas plus forcer la paix à exister qu'arpenter la surface de la mer en tapant des pieds pour aplanir les vagues. Regardez, au-dessus des collines, un nuage gris. La neige arrive. Il est temps de laisser la guerre hiberner pour l'hiver. Vous êtes fatigué, Seward. Faites nommer un nouveau chef de détachement. Cessez les combats à présent. Egam, rassemblez l'armée à Dunsinane pour y passer l'hiver. Vous êtes tout à fait en mesure de savoir ce qu'il faut faire. À moins que ce ne soit votre propre roi qui vous somme, vous répondrez aux ordres de Malcolm. Si c'est de guerre dont il est question, Macduff saura vous conseiller. Vous êtes l'Angleterre désormais. Prenez soin d'eux. J'ai fait en sorte qu'une de mes troupes puisse vous escorter. Je prendrai le petit avec moi. Personne de plus. Vous aurez besoin de plus pour votre voyage jusqu'en Angleterre. Je ne vais pas en Angleterre. Où allez-vous? Je vais trouver la reine. En novembre, les premières neiges sont tombées et Seward a quitté son armée installée à Dunsinane. Une armée ne peut pas se battre en hiver, mère. Pas ici. Pas ici où les fleuves gèlent, où gèlent les lacs sombres et les immenses étendues marécageuses saturées d'eau. Non. La glace n'a rien d'une bonne surface pour se battre. Mais c'est une bonne surface pour marcher. Parce que quand le sol est gelé, on peut arpenter le pays en sachant qu'on peut mettre le pied n'importe où, on trouvera un sol ferme. Aussi, Seward et moi, nous sommes partis à la recherche de la reine. plus un soldat, désormais, Seward. Plus un soldat s'il t'était donné de le voir. Plutôt une sorte de mendiant. Un moine encapuchonné et vêtu de noir, et moi à ses côtés. Moi, j'ai toujours l'air d'un soldat à propos. À propos, je pense que tu serais surpris si tu me voyais à présent en mer. Mon visage enfantin a disparu, et mon corps est deux fois plus volumineux qu'il ne l'était. Et je crois que c'est la vérité de dire que je tiens désormais les hommes en respect. Quand je m'approche d'eux, ils baissent les yeux. Ils marmonnent et retiennent leur souffle, comme on se doit de le faire devant un soldat. Nous allons de village en village, suivant la direction que semblent suggérer les rumeurs qui nous parviennent. Nous nous remettons en marche et reposons nos questions. Remettons en marche et reposons nos questions. Je suis brisé de fatigue, mère. Mais à vrai dire, ce n'est pas à cause de la marche. Chaque nuit, nous trouvons quelques foyers ou autres, un endroit où nous allonger. Et Seward s'allonge et reste éveillé, et je m'allonge et reste éveillé. Et s'il m'arrive jamais de fermer les yeux, je sens que je tombe dans le trou noir que j'ai en moi. Et je vois alors Edward, Eric, ou Tom, ou encore tous les autres qui sont morts. Ou alors je vois mon épée tranchant le bras de cet homme, à moins que je ne sois en proie à cette peur maladive qui me dit que c'est moi qui suis sur le point de mourir, et puis, volant, comme une charrette qui coupe le sillon d'une voie de passage, me voici brusquement réveillé. Et il s'avère que je criais. Alors Seward m'apaise, puis nous retombons tous les deux dans le silence, allongés à la lueur des braises. Et à l'esprit de Seward vient le doute, et en moi s'insinue la peur, et tourne et retourne dans ma tête comme un cheval affolé la question que je ne peux jamais poser. Pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi sommes-nous ici? Est-ce que la reine est là? Je cherche la reine. Est-elle là? On m'a dit que c'était le lac de la reine. On m'a dit que c'était son île. On m'a dit que c'était sa chapelle. On m'a dit que vous étiez ses femmes. Pourquoi ne voulez-vous pas répondre? Elle ne parle pas anglais. Presque un an ici, et tu ne parles toujours pas notre langue. Croire. Dis à ton soldat de baisser son arme. C'est un lieu sacré, ici. Fais ce qu'elle dit. Où sont tes hommes? J'ai une garde tout à fait suffisante. Je viens de traverser le lac. Personne n'a tenté de m'en empêcher. Nous étions au courant de ta venue. Tu divulgues tes intentions à tout vent, Seward. Il est difficile de t'éviter. Que veux-tu? Ton fils est mort. Je te l'ai ramené. Je te l'ai ramené pour que tu puisses l'enterrer. L'emmener à Iona, où les rois sont enterrés. Tu avais dit que c'était votre tradition. Comment est-il mort? Je l'ai tué. Oula. Il n'a jamais été un garçon téméraire, sursautant au moindre bruit. Il aurait fait un roi prudent. Je suis désolé. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici, Seward? Je voulais apaiser les choses entre nous. Tu as eu cette possibilité il y a longtemps. J'ai commis une erreur. Une erreur? Tu as envahi mon pays. Tu m'as humilié devant mon peuple. Tu as tué mon fils. Ne savais-tu pas que c'était précisément cela que tu faisais ? Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Je devrais te tuer maintenant. Je devrais appeler mes hommes pour qu'ils se jettent sur toi et leur demander de t'égorger vif sous mes yeux. C'est cela que je devrais faire. Pourquoi ne le fais-tu pas ? L'honneur. Loulard est mort. Malcolm est sans contestation le roi. Les revendications des Morais n'ont plus lieu d'être. Que reste-t-il qui justifie qu'on se batte, Grouard ? Il y a, d'après ce que j'ai compris, une danse du départ. Faisons les premiers pas ensemble. Il y a contestation. Pardon ? Il y a contestation. Tu as tué les garçons qui se trouvaient à Glen Lyon, mais tu as laissé partir les femmes. C'était une erreur. Loulard avait un fils. Approchez. Cet enfant-là est désormais le roi. Non. Non. Non. Non. Quoi ? Combien de temps encore t'obstineras-tu dans cette folie ? Voudrais-tu que je brûle tous les villages, toutes les fermes, tous les châteaux, tous les champs du pays ? Que je fasse en sorte que l'Écosse redevienne une forêt ? Poursuivrais-tu alors toujours la lutte ? Recruterais-tu les cerfs et les loups pour qu'ils continuent la guerre pour toi ? Combien de temps encore ? Apporte la paix à ton pays. Renonce à cette folie. Il y aura la paix en Écosse quand cet enfant sera roi. Non. Petit. Mon général. Prends l'enfant. Nous avons tous deux perdu un fils en Écosse, Grouard. Il est temps pour nous deux de faire ce qui est le mieux pour notre peuple. Les revendications des Morais n'ont plus lieu d'être. Accepte-le ou je tuerai cet enfant. Et en finirai. Tue l'enfant, Seward. L'Écosse trouvera un autre enfant. Puis c'est toi que je tuerai. L'Écosse trouvera une autre reine. Pour la dernière fois, Grouard, je te le demande. Consens au règne de Malcolm ou je tuerai cet enfant. Tu es faible, Seward. Un chef militaire faible, aux ordres d'un roi faible. Tu finiras par rentrer chez toi, vaincu et humilié. Et quand tu seras de retour dans ton château vide, Seward, et qu'un des miens sera à nouveau assis sur le trône à Dunsinane, j'enverrai des escouades faire des raids dans ton bien-aimé comté de Northumberland, pour y prendre bétail et femmes, pour y tuer les chevaliers et brûler les maisons, car aussi longtemps que je régnerai, je te mettrai au supplice. Et à ma mort, je laisserai des instructions dans mon testament, afin que toutes les reines écossaises qui me succéderont disent à leur roi de prendre les armes et de mettre l'Angleterre au supplice, encore et toujours jusqu'à la fin des temps. Consent. Mon général, le bébé, mon général, il a fait caca, mon général. Mon général, je pense qu'il a faim. Mon général, je pense qu'il a faim. Allons-nous le tuer ? C'est ennuyeux, mon général. Pourquoi ne le tuons-nous pas, tout simplement ? Ça va aller, petit. Tout va bien se passer, petit bonhomme. Hein. Est-ce que j'essaye de le bercer, mon général, de le bercer dans mes bras ? Je pense que ce serait tout de même plus simple si on le tuait. Ah. Ah, j'ai l'impression qu'il se calme si je lui fais faire des petits bonds sur mon épaule. Ah. Hop là. Hop là. Hop là. Mon général. Mon général. Que voulez-vous que j'en fasse, mon général ? Rends-le à sa mère. Tu es un homme bon, Seward. Il aurait mieux valu que tu ne le sois pas. Il y aurait eu beaucoup moins de sang. Petit. Mon général. Viens. Où, mon général ? Continuons de marcher. Je suis fatigué, mon général. Continuons de marcher. Dans quelle direction, mon général ? Continuons. Vas-y. Vous venez d'entendre Dunsinane après Macbeth, de David Gregg, traduit de l'anglais par Pascal Drouet. Une réalisation radiophonique de Baptiste Guiton, d'après la mise en scène de la compagnie L'Exalté. Avec Gabriel Dufay, Seward, Clara Simpson, Rouard, Logan de Carvalho, Eric, Luca Fiorello, L'Enfant Soldat, Pierre Germain, Egam, Tommy Luminet, Malcolm, Vincent Portal, Macduff, Tiphaine Rabou-Fournier, La Fille des Poules et La Comtesse de Moray, Tom Da Silva, Édouard Larcher, Clément Bigot, William Burneau, Ludovic Payen et Léopold Zaffran, les soldats anglais, et les voix de Élie Boissière, Lucas Borzikowski, Hugo Burucoa, Benjamin Bure, Florian Chocard, Ange-Pierre Ferranti et Maxime Pambet. Musique originale, Sébastien Quincé. Guitare Lapstil, Tommy Luminet. Bruitage, Sophie Bissans. Prise de son, montage, mixage, Julien Douminc, Pierre Henry, avec l'aimable participation de Jason Taous. Assistante à la réalisation, Justine Diebling. Dunsinane, de David Gregg, est publié aux éditions Presse universitaire du Midi.